C'est vraiment bien. Et puis... Sportaz. Qu'est-ce que tu as dit? Années 70. Sportaz. The Radio. Avec le sélectionneur national. Sportaz 736. Alors, Coco, j'étais à la maison ou tu n'as pas acheté la baraque hein? Parce qu'il paraît que tu déménages à la fin de la Coupe du Monde. Alors là, je n'ai rien acheté là, parce que les tarifs immobiliers, là, et putain, comme ça va exploser, un petit peu comme l'équipe de France au niveau des mêlées. Et j'ai des démêlés justement avec la justice. Bon, c'est vrai que j'arrête tout là, mais je cherche une vraie maison. Hein, plutôt un chalet, plutôt le bois. Je crois que le bois, d'ailleurs. Les Canadiens, ils sont bons dans le bois. Et nous, en France, c'est vrai qu'on n'y croit pas au bois. Et donc, je cherche désespérément un chalet en bois, plutôt en ville, plutôt pas grand, plutôt pas cher, plutôt sur la durée, et puis avec une femme dedans, si possible. À combien de pièces, Dieu ? Non, c'est bon. Attention, ça va reprendre ! Décrochez-vous les uns des autres. Lâchez-vous, ça va reprendre. Oh, venez. Non. Oh, derrière, alors que nous avons Vangélis, hein, derrière, nous avons Vangélis. Eh, cette confrontation qui est absolument improbable. Hein. Enfin, le score, le truc, enfin, le match, enfin, la première mi-temps, enfin, quoi. Oui, ben, ça va reprendre. Donc, en gros, Jacques, voilà, ça va repartir entre le Canada et l'équipe de France. Et quelque chose me dit que c'est reparti, time shift, c'est loupé. Ah bon. Démerdez-vous. Bravo. Chez vous, à vous recaler. Voilà. 40 minutes et 10 secondes, 11 secondes, 12, 13, ouais. 14. Jacques, professionnel 15, du time shift 16, et du décompte. 17. Chez 18, toi, 19, chez l'autre, 20. Chez vous, 21, 22. Pour l'instant, ça semble reparti sur les mêmes mauvaises bases, c'est-à-dire une petite faute de main du côté de l'équipe de France et ce sera une mêlée au bénéfice des Canadiens, me semble-t-il. Alors, s'ils venaient à marquer très rapidement, les Canadiens remettraient la pression sur l'équipe de France. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, car nous avons des informations tout à fait confidentielles que je ne peux vous livrer comme ça. C'est reparti. Ah, pourtant, on n'a pas dit monsieur. Hein. D'habitude, c'est quand on dit monsieur que tout s'arrête. Mais là, il nous a vu arriver. Jean-Louis qui est prêt. Jackie, est-ce que Jackie est de retour? Visiblement, non. Première fois, allô. Non, la première fois, non, mais Jacques est là, par contre, je peux vous confirmer, Jacques est là. Il ne se marie pas. Pas de suite. C'est sûr, mais on se marre, par contre, hein, quand même, dans cette confrontation avec les Rouges qui ont repris du poil de l'embu. Parlant de Canadienne, je les sens pas si fatigués que ça, hein, par justement ces deux ou trois jours de récupération en moins. Je les sens bien, les Canadiens, tu vois. Oui, ou avec Red Shoes, lui aussi, qui avait pris l'intervalle magnifiquement. Et qui se propulse vers l'avant? C'est le Canada Dada. Ouverture rouge. C'est le tiercé aujourd'hui d'ailleurs, Jacques. Hein. Ah bon. Alors, je vous propose de jouer le Canadada numéro 8, qui est un excellent bourrin. Le Canadada numéro 8. Le ballon est sorti magnifiquement pour les Canadiens qui met Penalty. Ça, on est pénalisé par un monsieur, peut-être, qui accorde une pénalité aux Canadiens. Que vont-ils faire? Vont-ils la tenter pour se rapprocher un petit peu ou vont-ils la tenter? Je pense que c'est normal, non? Oh, je sais pas, je me disais qu'ils pouvaient peut-être, tu vois, dans l'énergie du début de seconde période, essayer d'aller chercher la pénale touche et pourquoi pas, sur un malentendu, un essai qui les aurait relancés magnifiquement. Moi, je pense qu'ils cherchent la pénale doute, donc celle qui marque 3 points tout de suite. C'est pas dit, parce qu'ils en ont loupé quelques-unes quand même, donc c'est pas non plus aussi fait que tu le dis. Oui, mais c'est quand même du temps de récupération, alors qu'on a vu le maillot jaune là qui s'est fait écraser sur la mêlée, qui est devenu un support pour le ballon. Ah, c'est quoi, Cliff Richard. Hein? Shaki alors. Hein? Ah oui, Shaki. Qu'est-ce qui vous arrive, Shaki? Il y a de la poussière. Ouais, je sens bien ça, oui. Attention à cette pénalité, elle pourrait tout changer. Changer le monde, changer la face. Toi, why? C'est parti pour ce coup de pied canadien pour venir à 3 points des Français. C'est la vendange, canadienne. Ouais, mais il y a du vent. Ah, le tech, c'est plus ce que c'était. Le tarmac. Alors, on va y arriver, oui ou merde? Et ce sera donc un renvoi tranquille pour l'équipe de France ici en direct du chalet où nous nous trouvons actuellement. Et où le tricolore mène toujours 19 points à 10. C'est reparti pour les Français. Petit coucou, deux pieds, deux mains. J'ai une connexion qui me semble un peu faiblarde, moi, pour lire les messages. Là, ça me semble assez foireux sur le coup. Et le Canada est déjà là. Le Canada est déjà là. Après avoir eu la possibilité par pénalité de reprendre des points, le Canada est déjà là. Et récupère le ballon après rebond. Côté gauche. Mais c'est pas là qu'il faut plonger pour laisser. Il a pensé que c'était là. Ah oui. Pour impressionner les Français, peut-être avec encore les rouges. Rouge à la gorge, un petit peu là. C'est bien vu. Oh oui, il a le droit de le faire. Bien la France. Il a le droit de le faire. Non, intervention, non, intervention de monsieur, peut-être. Ou alors demain, loup drop. Oh, lui, il loupe tout, des pénalités, mais il réussirait les drops. Non. Oui. Oh, bravo, René. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? Il défonce tout. Oh oui, goal. Et surtout, sous la pression de ses adversaires, il s'est parfaitement appliqué. 3 points pour le Canada, qui remet la pression sur l'équipe de France. On cherche le ballon dans les tribunes alors qu'il est sur le terrain. C'est un peu bizarre. Et donc, ça oblige le tricolore à relancer et à rendre le ballon. Voilà, au Canadien qui, tu parles, s'en charge magnifiquement. 19-13 ? Oui, Jacques, 19-13. Peux le dire. Avec Picaboule, qui est mal barré. Picaboule qui est c'est mal bon, barré, bon, à mon avis, sorti, mais qui va conserver le cuir quand même. Ah oui, bah lui, effectivement. Clara Morgan. Du mordant. Oui. Enfin, ça, faut voir, Jacques. Faut faire attention quand même à ce que tu dis et à quel moment ça se produit. Et où ouvre. Eh oui, le ballon est sorti par la France. La France est divine et du vin. Pas tout à fait digne, peut-être demain. Mais là, qui se déjoue. Non, ils essayent de bousculer le bûcheron canadien qui, pour l'instant, reste solide sur ses appuis et dans ses racines. C'est vrai qu'avec McLock, il défend bien. Avec Jean-Pierre Romeu, là, qui a hésité à se faire boursoufler et qui, finalement, préfère livrer le ballon à des partenaires mais plus costauds. Comme ça se sait, tous les chemins mènent à Romeu avec nos amis français. Pour les anciens uniquement. Qui cherchent. Ah ben vous avez commencé, j'ai terminé. Avec Trudy qui s'est fait prendre le ballon. Quel imbécile! Et ce sont les Canadiens qui ont lancé un peu n'importe quoi dans la pelouse. C'est le folklore. Tire-toi, mais sans le ballon. Lui aussi. Je l'avais prévenu. C'est n'importe quoi. Arrêtez tout. Là, vous savez que c'est la journée du patrimoine que vous pouvez nous visiter aujourd'hui. Nous sommes à l'aéroport de Blagnac, Terminal D. Nous repassons le bac. Non, le bac, c'est pour Royan, Jacques. Hein, c'est pour passer un fleuve, par exemple, ou un estuaire. Donc. C'est pas se laver. Non, effectivement. Enfin, ça dépend. Des fois, finalement, ça y ressemble un peu. Tellement c'est plat. Mais oui, c'est là. Non, arrêtez de nous repasser. Ça c'est énervant à force. Hein, là. On voit ce qui s'est réellement passé. Pourquoi celui-ci fait-il ça alors qu'il aurait pu relancer pour des partenaires? Eh oui, c'est loupé, coucou. Pour une fois qu'on a un vrai ralenti, Jean-Louis, bravo. Dans la région anale. Lui, non, c'est plutôt Anarine hein, qu'il a un problème. Ouais. Et je crois qu'il va falloir le sortir, le pauvre type. Là, il est pété de la gueule, là. Cette fois-ci, quand même, je crois qu'ils lui ont tout mâché le visage. Mêlée intéressante hein, pour bénéfice des Français dans l'axe prêt à dropper. Oui, enfin je rappelle que au cours de cette seconde période qui a débuté depuis maintenant plus de 6 minutes, eh bien ce sont les Canadiens qui ont marqué les points, Jacques. Une fois de plus, Jacques. Sur un drop. Alors qu'ils allaient bénéficier d'une pénalité comme ici l'équipe de France qui va bien évidemment se charger de prendre ses 3 points pour remettre de la distance. La France a peur de ce Canada. Mais pas monsieur peut-être, l'arbitre, qui est de plus en plus sûr. Oui, c'est vrai, finalement, ces décisions sont de moins en moins controversées. Il s'affirme, il grandit, on a vu ce qui s'était passé. Désolidarisation dans la mêlée, ça n'est pas possible, il faut rester soudé. À bas les patrons voyous. Ah, il s'en veut. Il s'en veut, le patron voyou canadien, d'avoir ainsi tout basculé. De l'autre côté, les basketteurs français qui attendent. Les maillots des basketteurs français. Que les maillots, c'est vrai. Se préparent, les joueurs sont encore. Clara Morgan, là, ça va pas du tout. Sérieux problème de vessie. De digestion, j'aurais dit, moi. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Les lanternes. C'est bon, c'est bon. Bon. Oui, bon, ça fait 3 points. La France s'envole. Ouais, bon, à part laisser marquer très rapidement sur un petit coup de dé, un petit coup du sort, on voit pas grand chose quand même. Hein. Coup de dé, vous pouvez me bouger un tout petit peu la lumière, s'il vous plaît, si je... là, en pleine goal. Là, comme ça, vous aimez comme ça. C'est bien ça. Oh là, là, là c'est bien avec ce ballon qui ne bouge plus. Ah, c'est le toit qui tient tout le reste. Ah, c'est amusant ici, hein, ce qui a été monté dans le petit chalet. Oui, tout en kit. Ah, mais restez avec nous quand même. Hein. ne, pas, ne quittez pas. Oui. Avec la remontée canadienne, oh, c'est, droit, voilà, c'est Caribou One. Hein. Caribou One. Avec une magnifique interprétation de ce morceau de musique qui rappelle des souvenirs à tout le monde. Allez, le boucher d'Ottawa. Le boucher d'Ottawa qui fait parfaitement son travail. Oui, qui est tranchant. Qui laisse calope. Avec une belle sortie de balle rouge en feinte intérieure. Mais là, il y a du français partout. Oui, oui, mais pour combien de temps? C'est pour bon, combien c'est bon, de temps pour les rouges. Hein, ça monte, ça avance, ça progresse, ça avance. C'est bien, Jacques vous dit que avançons. C'est bien. Continuez, si Jacques avançons, vous dit... Oh, lui, il fait des drops de partout. Il fait des drops de partout. Fait, non. Ah, si. Oh, c'est goal. Bon, enfin. Oh là là, missed drop. Oh, c'est drooping. Il en est mort de rire. Ah, c'est vraiment le drop le plus pourrable de tout l'univers. Mais quand même, regardez-le. Il est là, il est parti. Il est goal. Et 3 points pour le Canada qui revient dans la partie. Qui laisse la pression sur l'équipe de France qui ne s'en sort pas. Ah oui, avec un essai, les Canadiens nous repasseraient devant. Un essai transformé. Là derrière. Un essai transformé, Jacques. J'aimerais que tu apportes cette précision. Transformé, d'accord, d'accord. Un essai transformeur. Et hein. Pas transformiste. Un essai Marvel. Vous êtes fantastique. Ah, oh, je me ris tout seul à la gueule, voyez-vous. Et c'est une douche au bénéfice du tricolore très colère et pas très fort, même si son maillot est magnifique aujourd'hui. Hulk. Quoi? J'annonce un film. Nous allons atteindre la 50e minute de jeu et Semvat va lancer le ticket de bus. Ouais. Et c'est un client qui le prend, ce ticket de bus. Oh, oh droit, oui, hein. Oui, mais elle est dans l'autre sens. Donc ça va. C'était bizarre. Petit coup de pied magnifique. Oh, ouais, il y a eu de la tamponade, non intervention et si intervention. Bien sûr. Le monsieur peut-être. Il semblerait qu'il y ait eu de la tamponade sur un joueur français. Ça, il ne faut pas le faire du côté canadien. C'est des... retardement. Ah, oui. C'est des ballons perdus et c'est dommageable. Ce sont des fautes techniques de bas niveau. De débutants, dirons-nous. Ah, c'est plus qu'une faute technique, là. C'est une fausse bête, tandis qu'on revoit cet improbable drop qui va passer, bien évidemment, au-dessus. Eh oui, de la barre. Goal. On a vu un sniper, hein, quand même, dans les tribunes, Jean-Louis. On voit gentiment cette action au sous-ralenti. Hein. Là, c'était un sous-ralenti, Jean-Louis. C'est vraiment pitoyable, les moyens techniques que tu mets à notre disposition. Et Clara va pouvoir se charger de redonner 9 points d'écart à l'équipe de France. 9 comme son numéro. Allez. Allez, Clara. Clara. Clara. Clara. Clarage. Clarage. Qui est enceinte. Hein. Ah bon? T'as des informations particulièrement. Non, c'est un problème. C'est pour ça qu'il se tient. Toujours ce problème intestinal qui semble le perturber terriblement. Non, je vous dis qu'il est enceinte. Regarde la concentration de ce joueur. La France qui a 3 points peut-être. Il ne loupe rien sauf ici. Non, c'est loupé cette fois-ci. Oh là là, ça y est, le drame est en train de tourner. Le sourire en coin de mamzelle qui comprend tout. Ah, on passe. Alors là, par contre, il y a de l'anglais. Beaver, c'est le beaver. Beaver. Sauver les barbiers. Sauver le chat. Et fuck the frogs. Oh, mais dites donc, ça ne va pas de dire des choses aussi sales. J'ai cru lire. Je lis mal l'anglais. Que s'est-il passé, monsieur peut-être, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir quelques... Ah ben, c'est une pénalité, finalement, au bénéfice des Canadiens. On a déconné du côté français. Sortie 22, c'est quoi? Renvoi 22, on dit? Oui, renvoi 22 avec tous les sponsors. Ouais, là. Vas-y, Jean-Louis, balance tout, la totale, cadre emploi, free. Il nous met tout, Jean-Louis, il a dit, t'es le meilleur. Et bien sûr, récupérade française, Tronduck. Tronduck pour Jacques, Daffy pour moi. Une fausse saut. Fausse rouge. Et pendant ce temps-là, ce sont les Canadiens qui continuent à conserver ce ballon. Le ballon étant rentré dans les 22 mètres, ils ne peuvent le dégager directement. C'est ce qu'il fait magistralement avec un contrôle du pied de Platini. Platini qui repart tout seul maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces fautes qui manquent de courage? Une magnifique tête de Marcel de Sailly pour un ballon relancé par l'équipe de France. L'OM qui a la balle maintenant avec Didier Deschamps. De Sailly. Deux saillies pour le prix d'une. Hey, c'est quand vous voulez, le ballon est là, magnifiquement fait sur le petit côté. Oui, c'est bon ça. Rouge, c'est pas mal. Ah, ça, c'est bien joué, ça c'est même très bien joué, mais c'est une touche. Et là, ah, seul obstacle, on le voit là. Il s'est mal passé, il ressort la tête. Oula, ça chahute un peu quand même entre Français et Canadiens, là, ça se boursoufle légèrement le cortex. On voit ce rugby moderne, hein, on s'occupe tout de suite du sponsor plutôt que du joueur. Hein, on a c'est vu. Vrai, Jacques. C'est vrai que là, on vient râler parce qu'on a sabaté le panneau publicitaire. Ce n'est pas sympa. La pub a pris trop d'importance. Ah, est-ce qu'il nous fait un petit fin hein. Il nous fait une petite fin, là. J'avoue que j'ai l'estomac qui commence à discuter sérieusement, malgré que ce soir-là, je me sois envoyé un... Oh oui, superbe petite roulade de Claire de Notaire qui va passer par-dessus. Le cheval l'a désarçonné. C'est perdu pour le tiercé. Score inchangé, enfin je crois pas. Il ben, y a toujours, changé, y a toujours que 6 petits points d'écart entre les deux formations, Jacques, et c'est inquiétant. Coupe du Monde 2011, France, Stross, Canada, premier tour. Avec toutes les infos à 8h, tu sauras tout. L'a-t-il touché, l'a-t-il embrassé, a-t-il voulu la prendre de force? Tu aimes ces informations? Tu aimeras. Allez. L'enquête rapprochée de Sporta 736 à partir de 20h tout à l'heure. Et là, il y a une intervention hein, de monsieur peut-être qui vient signaler un jeu, voire dangereux ou un peu chiant de la part d'un joueur canadien. Et il rend le ballon au tricolore. Cette interruption momentanée de notre émission n'est pas due à un incident technique. Elle provient d'une décision de censure de la direction de... Vous voyez ce qui pourrait vous arriver d'ici quelques instants. Touche pour l'équipe de France à 5 mètres de l'embut canadien. Ce qui visiblement égaye Jean-Louis qui envoie la purée. Allez, c'est parti Jean-Louis, tout à fond. Et nous sommes déjà dans la dernière demi-heure de cette confrontation. C'est Sam Vatt qui sort, c'est étonnant de le sortir si vite. Ouh, il prend des risques, lève en feu l'entraîneur de passage hein, dans l'équipe de France. Il a pris quelques piges, hein, son entraîneur pigiste. Ça a duré 4 ans quand même, hein, son passage, Jacques, donc on peut considérer que c'était un CDD. Ouais, c'était un vrai CDD. Oui, mais la précarité CDD de l'an. CDD qui me l'a dit d'ailleurs. D'accord. Chant. Belle petite balle prise par Milou Kloschki. Mêlée tournée. Oui, mêlée tournée, mêlée bouillie surtout. Là. Peut-être, mais mêlée proche. Ouais, ça boue pour l'embut, ça boue sur l'embut canadien. C'est dedans, c'est dehors, c'est dessous surtout. C'est dessous. Et pour l'instant, ils n'ont pas franchi la ligne fatidique de l'embut. Les Français sont là avec le cuir, ils vont essayer d'aller en force. Alors qu'on s'excite, pour un truc qui est laid, qui n'est pas beau. Eh bien, il est où? Ah ben, où est le ballon? Montrez-nous le ballon, les gars. Oui, on voit des jambes, on voit des crampons, des chaussettes. Mais montrez-nous le ballon. Et là, finalement, l'introduction au tricolore. Attention. On se chamaille pas mal. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a comme contention entre les deux formations, mais on se chamaille pas mal du tout. Contentieux, sûrement. Des lunettes de vue. N'oubliez pas qu'il y a des joueurs canadiens qui jouent dans le championnat de France de rugby. Et donc, il y a quelques retrouvailles un peu savoureuses, bien évidemment. On n'est pas rigolo du tout aujourd'hui. Hein. Canadien. Attention, Jacques. Hein. Ah oui, ça joue bien. Non, belle équipe. Non, c'est vrai, correct. Il est là, hein. Michel Bonner. Bonner et Para, c'est quand même Para Bonner. C'est une sacrée belle petite paire. Et c'est un mol aussi, bien sûr. Et c'est un mol. C'est un mol. Para, c'est un mol. On peut le dire différemment. C'est un peu prise de tête. Ah, vous me filez la migraine, effectivement. Bien sûr, je alors, Jean-Louis. Jean-Louis est habillé aujourd'hui par Cherotti. Enjoy Cherotti, bien sûr. Cherotti. de bœuf le dimanche avec la purée. Bonjour et bienvenue chez vous. Introduction c'est France, c'est l'heure de l'introduction. Mais là, on se fait détourner. On récupère ce ballon. Mais on a double Canadien, triple Canadien. Ah oui, non, mais c'est que ça joue et peut-être a-t-on récupéré le ballon du côté tricolore. Non, visiblement. Les Français même plus si, nous. Je ne sais pas. Si, visiblement, on a perdu. Le ballon. Sors là tranquillement, joue pas bêtement, toi tu vas t'isoler, imbécile. Oh, les Canadiens qui en veulent, c'est mais clair. Ils en veulent à mort, tu vois, ils jouent très bien. Au lieu de le rendre immédiatement au pied, non, ils le remontent intelligemment pour faire pressing sur l'équipe de France, et pour mettre danger et doute dans l'esprit du tricolore. Et dégagement du ballon en touche. Directement fait, il doit pouvoir. Donc pour l'instant, c'est très bien joué de sa part. Nous allons aller chercher le deuxième jingle de cette confrontation. Un jingle qui nous est proposé par les magasins fermés. Alors, je vais prendre peu de temps et je vais vous faire écouter des spots radio. Alors, je vais vous faire écouter le message et vous comprendrez vite parce que nous, on n'a pas la possibilité de superposer à l'image. Ce sont des messages réels, ce ne sont pas des caricatures, ce sont des messages qui passent. Je vais vous les faire écouter, j'espère que vous allez pouvoir les entendre. Sportage. Je crois que c'est un énorme problème pour l'ensemble des radios et là, on subit une discrimination terrible. Voilà ce que je voulais dire et c'est mon principal combat. Bravo, monsieur. Vous avez raison, monsieur, bravo. Ah bon, pas facile de faire un jingle sportage. La France qui se lève. Et celle qui se love aussi, bien évidemment. Surtout, merci, c'est Jockey. Celle-là que je pense. Tout, au marabout. Alors, rien, c'est le drop, un loup drop. Mais il est tendu, il est bon. Est-ce qu'il est bon? Oui, il est gold. Bien sûr, à la tienne. À ta santé, il est gold. Eh bien, oui, il répond au drop improbable par un drop incroyable. Et voilà, c'est ainsi que la France reprend 9 points d'écart. C'est la France qui avance. Oui, bon. Enfin, qui avance petitement. Hein. Ah. 9 points, voilà, c'est pas non plus. On peut pas dire. C'est pas flambant. Voilà. Hein. Et en plus, il a l'écran en arrière pour se regarder dropper en même temps. C'est particulier, hein. Oui, c'est assez bizarre, tous ces écrans partout. Où sont les caméras? Je ne les vois pas. Ah, qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? Tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dimanche matin, dimanche chagrin, avec le ballon récupéré par la France. Prince régné du matin. 25-16 hein, pour ceux qui viendraient à nous rejoindre, qui se réveillent, qui ont décidé de prendre le match en cours parce que de toute façon ils savent qu'il y a le podcast et s'ils veulent réécouter tranquillement. Ça nous joue des tours ce podcast finalement, hein. Ça nous enlève des auditeurs en direct et il va falloir réfléchir bien évidemment à un moyen de les ramener vers nous. Le ballon récupéré par les Canadiens, c'est magnifique. C'est étonnant ça avec Burger. Ouais, Burger, hein. Franz Burger qui met bien derrière Big Burger. Avec une bonne petite balle pour les Canadiens. Oh, Schumberger. Ils vont jouer le coup à fond, il revient vers l'intérieur, c'est pas mal fait. Ils sont dans les 22, on fixe. Au nom du fixe, c'est parti, on ouvre. On perd. Ouais. Lui, il faut l'aider, il faut venir l'aider hein, parce qu'il est fragile psychologiquement. J'ai vu arriver un trucker. Il y a du soutien. Un trucker canadien, c'est quelque chose. Et on progresse dans les 22 mètres français. Ils sont là, les Canadiens. Ils ne s'en laissent pas compter. Il y a peut-être même un avantage pour eux. Si l'arbitre intervient, ils peuvent jouer ce ballon. Le perdre même s'ils veulent. Ils auront le bénéfice d'une pénalité, me semble-t-il. Il y a de la casse, hein, je crois. Et ils jouent leur petit jeu, tu vois. Je rappelle à tout le monde que certains sont amateurs du côté canadien. Oui. Donc ils jouent leur petit truc s'ils savent faire très bien ou plus ou moins. Et c'est une pénalité pour les Caribouman. Pénalité contre le France. Alors, amateur de quoi, on ne sait pas tout à fait, mais ils sont amateurs. De pelouse, hein, visiblement, pour lui. Lui, il aime cette pelouse-là. Il l'écoute, hein, le son de la pelouse. Oh là, il a du mal, d'ailleurs, à s'en remettre. Oh oui, oh là là, il a beaucoup partout. Il est pété de tous les côtés, le pauvre garçon. Je vous rappelle qu'il a eu 4 jours seulement pour récupérer de son match face au Tonga. Je suis un peu garçon manqué, mais lorsque... Ah bon? écoute, c'est ton problème. Tu nous laisses un peu tranquille. Je trouve que tu as déjà une voix de garçon pour être garçon manqué. C'est un peu redoutable. Au niveau de Mermoz, de bien sûr, l'envol de Mermoz, un moment important sûrement tout à l'heure. Pour les petites gens, Mermoz. Oui. Cliff Pritchard. Alors que le 18 père rouge et passe vient de rentrer ici au casino. Casino Casar Palace. Tout en moi. T-I-T-C-O. Il prie en tout cas, il prie Shard. Applique-toi, t'en as loupé trop. Tu en c'est as loupé parti trop, pour le Canadien qui oui, est dedans. Cette fois-ci, c'est bon. C'est bon ça. Yes, c'est goal. Goal. Pendant ce temps-là, la police montée, on l'a vu. Oui, madame aussi d'ailleurs était ouais, montée. Ouais. Hein. Ah, ça nous refait que 6 points. Ça, ouais, que 6 points d'écart. 6. Non, on avait pris 21 points contre les Japonais, on en prend 19 contre le Canada. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, on prend beaucoup trop de points. Et lui, ça y est, ça va, il arrête. Hein. Il sort de boîte. Et finalement, il rentre au vestiaire avec un renvoi français. Hey, c'est reparti. Nous ne sommes pas si sereins que ça, hein, Jacques. Hein. Non, le mariol, là, tout ça, mais on n'est pas si sereins que ça dans ce match, vois-tu. Ouais, on n'est pas à la fin, en tout cas, de ce match. 59 minutes, 60 minutes, ça y est, pile. Oui, allez, 20 minutes, 20 minutes à jouer dans cette confrontation. Et les Canadiens vont tout donner. Ils sentent que l'exploit est possible, les Canadiens, tu vois. Ils se disent que s'ils venaient à battre l'équipe de France, ils se... Oh là, oui, Picaboule, bien pris cette fois-ci. Magnifiquement pris, Picaboule, il faut qu'il lâche sa balle, mais ça y est, c'est fait. La France attaque. Grand côté. Oui, grand double, plaquage. Aussi, double oui. plaquage. Oui. Grand côté, ouais. Grand plaquage. Petit côté, petit plaquage. Et ça rejoue, ça du joue. Non. Ça joue, ça sait pas trop quoi foutre avec la balle. Hein, c'est du côté, pas par du où passer. Français. Alors, sans les conditions climatiques, c'est possible. Avec Boucherie, le capitaine that's d'un good. Jour. That's yes, good. Avec Picaboule qui peut le donner. Ah, oh, ça y est, le décalage est fait. Picaboule, qu'est-ce que tu veux debout, oh, Picaboule. Il faut rester debout. Oh, oui. Il veut y aller, il veut garder sa place, Picaboule. Oh, truck again. Yes, La France ouverte. Voilà, ça y est, c'est fait. Un petit décalage. La France technique. L'espace est trouvé, ils vont pouvoir jouer. La France chantante. Ah, ça y est, allez, c'est laissé au bout. Voilà, avec une petite passe. Oui, ben, ça, c'est. Non, c'est pas encore. C'est presque. On fait du volleyball, oui, on fait de la boxe. On recule à mort. On n'est pas bien, il va sortir en touche. Voilà. Pour tu sais qu'il est. Et ballon récupéré par les Canadiens. Bien joué, les gars. Oh, le nettoyeur canadien, là, c'est du sérieux. Là, hein. Ah oui. Ah, mais ils commencent à souffrir quand même physiquement. Ils ont du mal à se remettre après les plaquages. Et derrière ça en bois. Vas-y, Jean-Louis. Hey. Bonjour. Ça va. Il doit y avoir un petit problème parce qu'on n'a plus les messages qui arrivent. Donc ne pensez pas qu'il y ait un problème, les gens ont peur. Ils sont concentrés sur ce match, effectivement. Ils ne veulent pas en perdre une miette et on revoit ce qui s'est réellement passé à ce moment-là de la partie. Après un superbe dunk, là, on le voit, un magnifique dunk de Claire de Notaire qui, une fois de plus, retrouve les panneaux publicitaires. Visiblement, il apprécie. Changement du côté canadien. Pendant que lui fait la sieste tranquille, yes. Il récupère, c'est pas vraiment facile. On voudrait du style. On voudrait du style. We want style. Oui, enfin là, vous avez dit deux fois la même chose. Oui, mais en anglais. Ah oui, c'était mieux. You want style. Yeah, well, we want to win. We want to big play. Je sais pas, ils ont pris un peu tout le monde, les Canadiens, pour composer leur équipe. Ils ont visité un peu toutes les villes du pays. Je me proposais de venir jouer au rugby en Nouvelle-Zélande et j'ai l'impression qu'ils ont récupéré des non-rugbymen, des non-initiés, et qu'ils ont mis sur la scène. Yes. Ottawa. Une sortie française, on va tenter de pousser, mais le pack canadien tient parfaitement en mêlée. Yes, man, pas pour longtemps. Big job. Pas pour longtemps, belle défense du Canada. Ouais. Retourner canadien, oui, on va d'un pouvoir, petit français. Oui, on va pouvoir y aller, hein, madame. On y va avec Mr. Pape qui s'est mis pour terre, qui récupère et donne le ballon à Clara. Clara qui ouvre pour Trouduc. Oui, ça y est, le décalage est fait. Oui, allez, oui, mais il y a encore du monde. On revient en touche, non, on sort le ballon. Il touche, sorti, oui, touche. Il a mis le pied quand il avait le ballon. Et ce sera donc un renvoi tranquille, enfin, un lancé pour les Canadiens qui vont faire semblant de la jouer vite, qui ont failli avoir Jean-Louis, mais celui-ci est super vigilant aujourd'hui. Ah ouais, belle cam. Daisy, on a des t-shirts, des mugs, etc. Ben oui. Ah oui, Sportaz, on a tout ce qu'il faut pour agrémenter les moments vides de la vie. Oui, mais regardez, là, ça commence à être très dur pour les Canadiens. Chaque tamponnade, désormais, chaque impact les fait souffrir le martyr. Je pense qu'il a tout pété, la clavicule, le bras, l'épaule et peut-être même la fesse gauche. Ouais, enfin, l'intervention du docteur Cousteau. Oui. Il sent, hein, voici le docteur Cousteau qui a opéré, il le dit, hein, bravo les gars, très bonne opération. Ouais, c'est vrai que ça s'est bien passé, la mère est belle. Milou Klukski, où est-ce que ce soir? Oui, qui attend l'hiver lui. Oui, trois Hugo, François Toudric, ils sont tous là, hein, les joueurs français, mais là ça a du mal avec Justin Bibboun qui a du mal à récupérer, à retrouver ses esprits et surtout l'intégrité physique. Il faut arrêter, hein, il faut l'arrêter, oui, il y a quelque chose de pété. Sa mère est venue lui dire de sortir maintenant. La Calypso, donc, qui repart en réparation. Oh, mauvaise touche, mauvais lancer de la part des Canadiens, mais intervention d'un monsieur, putain. Monsieur, putain. On a gêné les Canadiens, côté français, on est pénalisé. Oui, c'est pas bien ce qu'on a fait. Il reste un peu plus de 17 minutes à jouer dans cette confrontation. Oh, et il n'y a, je vous le rappelle, que 6 points d'écart entre les deux formations. Il n'y a. Et même si le Canadien commence à souffrir physiquement, la France n'est pas à l'abri. Ouais, on n'ose pas tout à fait jouer vite. 25-19. Avec Joe Wilfried Tsonga là qui pour l'instant est en train de s'entraîner, il est là. La brigade. Ouais, belle moustache, hein, monsieur. Ouais, bien sûr. Le tigre. Bien évidemment, lancé par, je vous le rappelle, Georges Clemenceau pour la première brigade d'intervention rapide et surtout volante. C'est au siècle dernier, donc... Je t'envoie les bien sûr, envoyez-moi tout. 6 points d'écart à l'avantage des Français, touche aux Françaises au milieu du terrain, quasiment. Oui, belle prise, belle combinaison. Ouais, oui, c'est ça, c'est répété, Jacques, quand même. C'est l'entraînement qui fait normalement, ça. Normalement, c'est le minimum syndical. Ouais. Et on avance, on fixe et on va côté droit. Yes, par là-haut. Ah, voilà. Ça y est, voilà. Très bien, la combinaction. Un peu d'allié. La combinaison, bien, il va on tout passe, seul. On y passe, on avance. La mitrouille qui va tout seul, go! Gotta try, Nick. Eh oui, good c'est try qui try. Oh, yeah. Try. Allez, c'est un peu contre le cours du jeu, mais peut-être enfin on va trouver des espaces du côté tricolore. Belle combination. Funky try. Un peu de légèreté de la défense canadienne. Et go. Try qui funky try. Et D-I-S-C-O. Oh, Jackie, vous nous arrêtez pas. Ah non, je m'éclate. Je gâche, je bouge, je remue. Et 32 désormais, 32-19 pour l'équipe de France. Et chante. Ah, la France qui enfin nous régale. Oui, voilà. Ce qu'on attend de voir, mais bon, ça a mis du temps quand même. Oh là, difficile à lâcher la purée là ce matin. On a été long à partir. Ballon remonté par le tricolore, ça nous a fait du bien cette petite musique là. Cet essai, tout ça nous a fait du bien. Remets-moi un jaune, Jean-Louis. Funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky try, funky on peut arrêter, s'il vous plaît. J'aimerais retrouver les conditions. Compagne, je pars pêcher. Il partait où? Je pars pêcher, mais c'est pas où. Alors, on ne sera pas fâché de revoir cette action. Merci Jean-Louis, mais ça, c'est pas, ouais, c'est pas l'action française. Ça, ah, ouais, d'accord. Ouais, l'amour et le France. Le France, l'amour. Et la baguette de pain. Fresh. Jean-Louis. Il se la donne, Jean-Louis, derrière. Bravo, Coco. C'est une mêlée au bénéfice des Canards. C'est la France des Canards. Des Canadas. Ah non, c'est Canada. C'est France contre Canada. Oh, regarde-le, celui-ci aussi. Ouh, le Canadair qui s'envole. Là, il met le feu. Le Canadair met le feu. C'est pas normal. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe-t-il, le Canadair? Et pourquoi pas un essai maintenant pour les Canadiens qui reviendraient aussi dans la partie. Jean quoi? Jean-Robert qui ouvre. Oui. James Gallagher. Donne-la ta balle. Beaucoup plus. Belle défense. Belle défense tricolore. Et attention, il y a un avantage pour les Canadiens. Avantage pour les Canadiens, alors que le grand là-bas est en train de s'expliquer avec Jacques Martin. Tout au fond, et c'est une bonne petite pénalité. Ah, ils vont pas la tenter, je pense. Ils vont jouer le coup jusqu'au bout, les Canadiens. Monsieur peut-être, qui a le langage des signes. Je ne sais pas ce que voulait dire son geste là de la main droite de bas en haut. Je pense que c'était sûrement quand il signe comme ça, monsieur peut-être. C'est qu'il veut dire sûrement. Et là, regardez la taffe française. C'est terrible. Hein. On entend ? Oui, on entend. Okay. Apparemment, on n'aura pas le chiffre aujourd'hui, Jacques. Encore une fois, non. Hein. Il faudra attendre. Oh non, c'est fini le direct. Il faudra attendre le spécialiste pour nous donner le chiffre exact du nombre des auditeurs lancés par droit, considérés par monsieur peut-être. Et ça, c'était un ballon perdu par les Canadiens. C'est dommage. N'oublions pas de remercier ombilical.org. De la musique plus de la musique égale plein de radios indépendantes sur le ombilical.org. Org, ça y est, tu l'as dit. C'est pour les hommes de Guy Forget, puisque l'Espagne mène 2-1 face à la France. Vas-y, Rafa. Ce sera tout à l'heure, au Tsonga. Oui. Enfin, on commente pas, par contre. Ça, le tennis, on le fait pas. On peut pas tout faire. Par contre, nous sommes là à 8h. Alors, on n'a pas choisi. Soit c'est Strauss-Kahn, soit nous doublons Strauss-Kahn, soit nous faisons le basketball. Voir le basketball avec Strauss-Kahn. Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Nous ne restons pas niés. Le ballon est là. Il y a ce qu'on appelle le déblayage. C'est féroce, hein, quand même. Le nettoyage autour du ruck, Jacques, c'est... Qui défendent c'est ou, métier, hein. ou qui descendent Alors, qui, non, qui ont, voilà, Le Canadien descend-il de la France ou l'inverse C'est une question que je poserai plus tard à des gens compétents, hein, car là, je ne vois personne autour de moi qui soit capable de répondre. Clara, pas Carla, hein, Clara. Sortie canadienne, rouge. Peut-être pour le cuir, oui, ils sont une fois de plus dans... Hein, bien dans ça. Ils sont pas ridicules du tout, tout de même, Jacques, pour des gens qui ont joué il y a 4 jours, hein, qui loin sont, de l'axe. Sont un peu amateurs dans l'esprit, oh, et tout le bazar, belle petite perforation, mais quand même, ça, ils se la donnent, ils se la donnent à bord, quand même. Très beau geste, en tout cas, très belle intention, les rouges ouverts. Mais oui, allez, les rouges, marqués à petit essai, pour perturber. Oh, Kanawa. Les Français, petit, là, sur le coup, là aussi, oui, c'est pas GG. Chacun joue un peu au petit pied. Oui, celui-ci va quand même, c'est la tamponnade, c'est la fête foraine, hein, maintenant, c'est la kermesse, c'est n'importe quoi, c'est le tir au pigeon, c'est la pêche au canard, c'est un petit peu n'importe quoi sur cette pelouse. Je pense qu'il va falloir ne pas regarder ce match samedi prochain contre les Blacks. Hein. Est-ce qu'il y a eu Canada All Black? Je ne crois pas, Jacques, depuis le début de cette confrontation, je ne peux te le confirmer, mais je ne pense pas. Alors France All Black, c'est pas sûr qu'on y soit. Je pense que le seul moyen de battre les All Blacks, c'est d'être habillé en noir comme eux au même moment. Ou de pas y être. Ah, touche au bénéfice de qui, Jean-Louis? Tu écartes ta caméra, la 16. Touche. Jean-Louis, caméra 16, plan large. Touche pad. Oui, ça c'est autre chose. Nous allons rentrer dans les 10 dernières minutes de cette confrontation et Jacques vient de se lancer dans l'informatique. Et donc, effectivement, le high-tech, hein, on dit au fond du bois. La France qui récupère ce ballon dans une belle touche, belle intention, reste debout. Le lancer canadien était foireux. On balance de la viande. Oui, un peu, de la castagne en tout cas, pas de en avant. Non, et puisqu'il n'a ni en arrière. Montre-lui que tu sais le faire. Voilà, Popol, par terre. C'est pas encore ça, les gars. Au niveau plaquage français, en tout cas, les intentions canadiennes sont bel et bien là. Ouais, la canadienne qui plante la tente dans le camp français. Pour l'instant, ça c'est le petit coup de pied. C'est le petit coup de pied coquin, mais intervention de tout le monde en même temps. Et finalement, c'est une fois de plus la mitraille. Qui relance là-bas. Super sur cet essai. Vraiment un bel essai. Il pourrait jouer avec les Blacks. Il a bénéficié un petit peu de largesse de la défense canadienne, Jacques. Il faut quand même ne pas le nier. Tu as vu cet essai comme ça. Ce que tu dis, ils sont bons ou ils sont pas bons? Il y a l'équipe de France, je trouve. Hein, bien sûr. En 3D. Hein. Oui. 3 débiles, surtout. Oui, on a eu Dédé tout à l'heure, mais là, c'est en 3D. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a du changement. Oh là, c'est le prince Charles qui jouait. L'Himalaya. Le prince Charles qui jouait pour les Canadiens et qu'on n'avait pas vu. C'est l'Himalaya qui rentre, donc. Il fait tirer les oreilles. Donc là, c'est un instant pathétique. Hein. Donc, on va prendre un peu de musique. Écoutez, bonjour. Bonjour. Jacky, vous avez quelqu'un qui arrive. On écoute un peu de musique, de la musique à Jean-Louis, qui télécharge illégalement sur plein de sites. La musique libre pour le rester sûrement avec les Français qui mènent, sûrement avec l'arbitre Monsieur peut-être, c'est sûrement. Ah oui, mais là il y a la mitraille, l'a fait là en avant pour de bon. Attention à cette. L'Himalaya qui vient de rentrer là, qui est énormissime. L'Himalouyou là, parce que il s'est fait projeter en touche et intervention de l'arbitre Monsieur on ne sait jamais. Qui rendra le lancer au tricolore. 32-19, si vous venez de nous rejoindre, 9 minutes à jouer dans cette confrontation. La France est bien devant, mais la France a traîné. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment rassuré. On peut le dire ici, c'est les planches de charcuterie. Pardon? Ça donne faim un petit peu, mais ça sent la faim. Ah non, ça donne très faim. Là, je commence à avoir le creux à l'estomac, hein, je peux vous le dire. Avec digestif. Non, attendez quand même d'avoir mangé. Aujourd'hui et ceux qui sont en tribune. Ballon dans les gains françaises, c'est du... Attends, là, ça va pas du tout, ça. Benazic. Ça va pas du tout. Intervention de monsieur peut-être qui rendra la mêlée au bénéfice du tricolore. Jean-Louis, tu m'envoies de la moule fric. Jean-Louis qui, je vous le rappelle, est quand même amateur, hein, lui aussi, mais de très belles choses. Ah, Mermoz. Le docteur Médard, non, c'est le docteur Médard qui rentre pour l'équipe de France. J'ai vu passer Mermoz, moi. Des merdards, ou docteur Médard qui ferme tard le soir, et on se pose des questions du côté du staff, du taf, et du faf. Des merdards, donc, jeune et sémillant joueur from Colomiers. Ah. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr de cette information, Jacques. Il va falloir vérifier. C'est le ballon qui vous colle au biais. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi vous avez balancé cette agglomération toulousaine qui demande à rester tranquille. bien sûr. Non, ouais. Mais avec Picaboul. Hein. Picaboul qui aura fait finalement sa petite partie aujourd'hui, Jacques. Jacques, c'est moi. Alors, je reprends. C'est pour ça que je pose la question, d'ailleurs. C'est ça, je me demande bien pourquoi cette question pourquoi était là. Pourquoi j'ai dit Jacques ? Alors, je l'attrape et je vous la rends. Et pénalité pour les Canadiens, car on a été au-delà. On a fait des bêtises du côté tricolore. Le Canadien qui va repartir et pouvoir repartir à l'assaut de l'embu français. Mais il est loin. Il est loin. Le pays. Dégagement. Ils récupéreront la touche. Et nous, nous n'avons pas eu de message. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit problème. Non, non. Ah, je te dis que si. Le site est bloqué. Le petit bougnat, on dit bien 118 boulevard de Courcelles. Ah, c'est là où vous pouvez récupérer le signal. Ah, finalement, il y a Grand Jacques qui nous dit qu'il est là, nous ne sommes pas seuls. On est dimanche matin, pas demander aux gens de réagir tout le temps à nos conneries. Eh bien si, justement, nous avons besoin de votre soutien. Oui, envoyez-vous donc mettre l'enculade 18-1 à Paris 9e. Le ballon est, fortement repoussé, mais les Canadiens conservent le cuir. Qui n'en est plus d'ailleurs, c'est du synthétique, je vous le rappelle. Ouverture rouge. Bonne petite feinte intérieure, je vais approuver donc Grand Jacques, histoire quand même de montrer à tout le monde que c'est vrai. Ça a été fait, il y a quelqu'un qui me trafique le site en même temps que nous commentons ce match. Je me demande si je ne sais pas qui c'est. Ballon récupéré par personne, si ce n'est l'arbitre. Pénalité pour le Canada. Rouge, on la joue au pied rapido dans le camp français. On se rapproche, on taquine un peu la défense. Là, il a voulu y aller seul et il est reparti aussi seul. poursuite du cuir pour le Canada Team Caribou. Maintenant, Caribou qui perd l'élan. Magnifique, effectivement. Ouais, il a de la peau, hein, du pot, pardon. Et Delvaïs qui va récupérer. On va pouvoir sortir. Ottawa qui attend le cuir. Oh, D-I-S-C-O. Les cuirs est là. C'est là. C'est parti pour le petit coup de pied magnifiquement fait. Oui. Il n'y a pas de faute, je ne crois pas. Il s'est empiffré un joueur français. Il a le droit, c'est un apéritif, il peut effectivement prendre un joueur français. Est-ce que là c'est du n'importe quoi, ball sur la pelouse maintenant, et que Dimitri Yalchili, qui est rentré à la place de Clara Morgan, peut dégager tranquillement, ce que fait également le défenseur canadien sous la pression tricolore. 32-19, la victoire se dessine tranquillement, mais bon. Clara Morgan a été quand même bien rattrapée cette fois-ci par deux acteurs bien retourné. Bord de fin. ça a été quelque chose. Et oui, c'est une sorte d'arrêt maladie. Vous en voulez. Et ça peut continuer à jouer, c'est effectivement. Là maintenant, c'est un peu le fouillis sur la pelouse avec les Canadiens qui tentent la contre-attaque folle. Là-bas, ils ont 5 minutes pour tourner le cours de ce match et ils continuent de progresser, d'avancer. Regarde ils ça. Ils y croient encore en leur jeu, leur possession de balle est bonne. Ils ont encore les Canadiens. Yes, it is bien, bien. Ah oui. Et on a un redoublement de passe, mais cette fois-ci c'est en avant, mais avantage pour le tricolore. Eh oui, s'ils font n'importe quoi. Arrêtez. What about? Très tendu, côté français, training. Il est déjà en train de penser à ce qu'il doit dire aux journalistes après. En sortant, il se doménéquise un peu, non? C'est la vitrine, de l'équipe de France. Ouais. Mais il n'y a pas les prix, c'est dommage. Il pourrait mettre les prix quand même sur les produits qui sont affichés en vitrine. Il se doménéquise un peu, ce Marc Lèvre en feu, là. C'est le rugby qui cherche à faire autant de buzz que le foot. Je crois qu'ils l'ont compris, effectivement. Les audiences passent par du buzz d'abord, de l'audience ensuite. Et changement du côté tricolore, c'est Ibagnol qui va rentrer à la place de Ouedraogo. Il devait être déjà un peu ivre. Il a commencé par laisser filer une langouste. Langouste. Oui, alors on a fait rentrer qui ? On a fait rentrer Ibagnol. Ibagnol et l'inspecteur Harry, vous le savez, autrement dit. Le aussi. Là. Décidément. Ah oui, ça c'est bon. Ils sont plusieurs. La France qui retrouve un tout petit peu de sa superbe, pourrait-on dire. Oui, avec le docteur Médard qui ferme tard le soir, qui attend tout le monde, bien évidemment, au cabinet. Qui est frais, son cabinet, oui. Un cabinet frais, bien tempéré, assez aéré, je dois le dire. Et là, le ballon est remonté par la France avec Clara Morgan qui a plongé dans le lit avec ferveur. Enduit d'huile. enduit d'huile. C'est excellent, ça glisse tout seul. Et le ballon est là. Un petit essai français, histoire de parfaire. Parfait. Et puis d'éviter les questions qui fâchent. Bien évidemment, ils ont mis du temps pour se défaire de l'emprise canadienne. Bien sûr, ils n'ont pas encore montré qu'ils étaient à un si grand niveau que cela. Mais ils vont tout de même gagner ce match et se qualifier quasiment pour les quarts de finale. Oui, mais alors loin des points de bonus, c'est ça, quand même. Ah oui, le fameux très demandeux. Ah oui, c'est vrai. Je me demande pourquoi les médias ont mis la pression, la presse met la pression. combien il y a demi de mêlée là du côté français? Je vois il y a le Chili, il y a Clara Morgan. Combien il y a de demi de mêlée français dans cette équipe? C'est un peu n'importe quoi. Et pénalité justement contre le Canada qui conteste et qui n'a pas le droit. Ah bon? Mais calmez-vous, Jackie, calmez-vous. Ce match va se terminer. Ouais, enfin merde. Barrez-vous. Ah mais c'est pas vrai. 77 minutes 30 secondes, oui. 32 rappel, la France. Excuse-moi Jacques, juste je veux rappeler à tout le monde que nous serons là à 20h bien évidemment. 20h. Et du côté français, là, les premières lignes, ils ont vraiment du bal. 1,20% tout. Ouais, ouais, ils ont tous la tronche éclatée là. Demander des tarifs spéciaux là, pour que ça fonctionne plus. Du côté des deux équipes, on n'est pas beaucoup plus pour l'équipe de France. Non, pas bien sûr que non. Jean-Louis met de la musique, pardon, parce que là, Jean-Louis met de la musique. Vas-y Jean-Louis, depuis chez toi, dimanche, le roast beef musical, c'est Jean-Louis. Et c'est parti, allez. Introduction, France, go, les go. Ok, c'est clair, non? Cette fois-ci, il n'est pas allé dans les panneaux publicitaires, clair. Il a marqué son deuxième essai de la partie, me semble-t-il. Go, go, go, go, go, go, go. Mais il s'est tout pété, il s'est tout pété. Il a marqué, mais il est cassé, il a marqué, mais il est cassé. Pour lui, il a compris, il dit, tiens, on va s'arrêter. Il a marqué, mais il est cassé, il a marqué, mais il est cassé. Pour lui, la compétition va s'arrêter. Il est blessé. Il est blessé. Appelez les pompiers, il est blessé. Il a bien ramassé, il est blessé. Il a marqué, il a marqué, blessé. Oh! Et goal! Eh oui, belle sautée de la part de Yael Chili. Et là, par contre, il prend dans les cuisses, dans les jambes et tout. Je pense qu'il lui a démonté la rotule et qu'il lui a mis le ligament interne en double face. Oui, c'est pas une bonne nouvelle tout de même. Bon, c'est terrible pour les Canadiens qui ont quand même bien tenu, mais physiquement, effectivement, ils ont craqué. Et si l'équipe de France a gagné sur justement l'usure physique du Canada, c'est pas forcément GG Jacques. Cédé. Cédé, madame, vous avez cédé. C'est pas GG Jacques. Ah non, ils ont cédé. Pourtant, Jean-Louis. Le cédé, c'est mort. Oh là là, Clara, vraiment, la position, c'est Shiba, là. Un peu, Shiba, un peu, oui, Clara. Les doigts qui grattent. Le doigt accrochu, mais regarde ça, quelle efficacité, ah, Clara. Ouais, c'est bon, oh là, ça, là, c'est bien, là, ça, là, c'est là, dedans. Là. Oh, oui, c'est dedans, c'est dur pour les Canadiens, c'est très dur pour eux. C'est quoi, 19. Troisième essai français. Et donc finalement, on pourrait presque avoir le fameux bonus après lequel tu cours. Ouais. Voilà le logo. Et le logoré, oui. Le logoré et les préservatifs usagés qu'on a vu sur cette dernière image. Combien il nous reste, Jean-Louis? Une petite minute à peine, quelque chose comme ça. On fait rentrer Tractor, hein, je pense. Des Tractors. Des Tractors. Côté français, et les Canadiennes. Ah, hein, qui remettent ce couvert là. Oh, petit tranquille, mais c'est fini. De toute façon, maintenant le ballon est récupéré. Mais en touche, mais en touche. C'est la dernière. Oh, ah non, ils vont chercher le point de bonus, Jacques. Ah, mais c'est pas bête alors. C'est ça pour contenter l'entraîneur et le public et les sponsors et les femmes et les enfants, les petits enfants, les grands-parents, bien sûr. Le problème, c'est une dernière action comme ça, tu peux perdre un joueur, tu vois. Salement blessé, et le reste de la compétition est fini. Et monter la mitraille. La mitraille qui a fait mal. Hein. Ah, lui, il a servi aujourd'hui, il a bien servi. Je pense qu'il a gagné quelques points pour la suite de la compétition, la mitraille, avec une relance de Clara Morgan, alors que le match est jamais terminé. Ils veulent les tuer, ces pauvres Canadiens. Le bûcheron est en train de se faire scier. Dernière action pour un point de bonus à la française. Oui, bon, oh là d'accord. Là, c'est Beach. Oh. C'est pas la vache, les flots, là. Rugby, Beach. C'est du rugby Beach. Claire de Notaire, courage et ouverture française. Dans son camp, toujours. On n'a pas trop beaucoup avancé. Peut-être maintenant. Avec les soigneurs qui ne plaquent même plus. Et lui, il est passé. Ah, il est passé c'est goal. Voilà, il va y avoir goal. Ça sent l'essai. Donne. Voilà. Et toi, tu bouscules un peu et tu donnes. Tu donnes. Allez, on la joue vite. Allez, jouons vite, les gars. Voilà. Une sautée, c'est normal. Des pommes sautées. Troisième essai pour Claire de Notaire. Le bonus est là. C'est ce qu'ils étaient venus chercher. Oh, écoutez, les Français ont du mal à se réveiller. 5 minutes, ils nous ont joué. Ouais, c'est ça. 5 minutes, voilà. Vous pouvez pas faire ça depuis le début, non? Go! Français qui joue à l'italienne. Hein. Et voilà comment va se terminer ce match. Avec un triplé de Claire de Notaire qui emboîte. Et désormais, le score est lourd. Ah, il joue avec un Bluetooth, quand même. Vous avez vu, effectivement, il a la connexion Bluetooth sur les oreilles. On revoit Jean Mermoz qui perce le ciel canadien. Une remise à l'intérieur pour Ibagnol. Ibagnol qui attend les partenaires. Et là, la petite combinaison sympathique avec un retour intérieur intelligemment fait. C'est goal, c'est goal, c'est goal. 44 pour l'instant pour la formation française. Je me tais, car je m'en vais. Moment intéressant, moment. Bon, le Canada, bon, mais cette fois-ci, ils ont... ils en ont pris plein le but cette fois-ci. J'ai du mal à comprendre cette équipe de France, mais elle est compréhensible à un moment, quand même. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut donner comme explication là-dessus? Là, ça va être difficile de débriefer. Moment. Est-ce que vous avez débriefé, s'il vous plaît? La France est passée. Et voilà, Mazza qui nous rejoint en fin de match, qu'il a choisi Sportaz au lieu de la messe aujourd'hui. Merci à toi, Mazza. Bien sûr, le podcast, pour ceux qui se sont levés tard, mais le podcast dans quelques heures, minutes suivant. En tout cas, ce sera pour aujourd'hui, tout à l'heure, 20h, bien sûr, le grand 20h, le 736 Sportaz Improvisation Basketball. Alors là, avec du suspense, là, rassurez-vous, ça va être autre chose, et on peut même s'attendre à la défaite cette fois-ci. On va cirer les Parker. C'était un Sportaz 736 d'une propreté remarquable. C'est vrai que c'est éclatant. Quel blanc. Ah oui, aujourd'hui nous avons été... j'en mangerai presque. Ça va, c'est correct, les deux équipes se la serrent. La main bien évidemment. Que je salue. Avec Clara Morgan Parra, qui a vraiment du talent dans sa main droite. Il va y avoir quelques interviews, les gars, surveillez ça de près. Alors que les Canadiens font là seuls sur la pelouse. Alors, t'as aimé ce match, hein? Alors, on a beaucoup apprécié. C'était pas mal, je me suis régalé moi aussi. J'avoue que j'ai bien aimé quand le jeune est sorti et qu'il a marqué son essai. J'ai trouvé ça, c'était super rigolo. Alors tout à l'heure, bien sûr, il y a le match de basket avec la France. La France contre l'Espagne avec Tony, avec Joachim, avec Boris, avec tous les copains du basket. Les copains, on s'y connaît. Salut. Bravo, les copains, il est con. Donc le panier, le basket, c'est le panier, c'est de... Salut à la map. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont envie, bien évidemment, les autres, je vous comprends. Merci, Jim, pour tous les sons et sons. Merci, l'auditoire. À ce soir. Un petit peu plus tard dans la saison, mais... 20 hours. C'était Sportaz 736. Au revoir, madame. À tout à l'heure, mademoiselle. Ça va, monsieur? Hop, on a dit monsieur. Chut.